De quand date le droit de grève ? Le fait de faire la grève, c'est-à-dire cesser l'activité pour laquelle on a été embauché, est un phénomène sans doute aussi ancien que le travail lui-même. Mais jusqu'au XIXe siècle, les termes désignant cette forme de mécontentement étaient variables. Le mot le plus souvent utilisé était « coalition ». La loi Le Chapelier du 14 juin 1791 avait interdit les coalitions au nom de la liberté du travail. En 1803, Napoléon Bonaparte accentua cette politique répressive en proscrivant toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux. Voilà ce que disait ce texte. On voit clairement ici que le mot « coalition » désignait ce qu'on appelle aujourd'hui la grève, en insistant sur une dimension fondamentale de cette pratique, à savoir qu'elle est toujours collective. On ne fait jamais la grève tout seul. Il y a donc un lien étroit entre la pratique de la grève et la mise en place d'une organisation capable d'impulser un mouvement collectif de protestation. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les ouvriers abandonnèrent le mot « coalition », sans doute en raison de ses connotations répressives, au profit d'un terme qui évoquait la place de grève à Paris. Cette place, située sur la rive droite de la Seine, devant l'hôtel de ville, étant bordée d'une plage de sable, c'était l'un des principaux points d'accostage des bateaux et donc de rassemblement des hommes. Les chômeurs pouvaient s'y faire employer facilement pour les chargements et déchargements. C'était aussi un lieu chargé d'histoire, car la place de grève était le lieu des exécutions capitales et le point de convergence des émeutes révolutionnaires. La loi interdisant les coalitions fut supprimée en 1864. À partir de ce moment-là, la grève fut dépénalisée, mais son exercice ne deviendra un droit qu'en 1946. Les raisons ayant poussé Napoléon III, qui n'avait pourtant rien d'un démocrate, à rompre avec l'autoritarisme de son oncle, s'explique principalement par les débuts de la révolution industrielle. Le nombre des ouvriers augmentait rapidement et leur concentration dans les grandes usines les rendait plus visibles et plus confiants dans leurs forces. On estime qu'en 1864, une centaine de coalitions furent poursuivies pénalement. Mais les dirigeants de l'État se rendaient compte que la répression n'empêchait pas la multiplication de ces mouvements sociaux et qu'elle encourageait les travailleurs à soutenir des doctrines jugées subversives. C'est ce qui incita le député républicain Émile Ollivier à concocter la loi de 1864 qui porte son nom. Son raisonnement illustre une nouvelle conception des relations de pouvoir fondée sur l'idée que la meilleure manière d'empêcher les révolutions, c'est d'intégrer ceux qui les font au sein de l'État-nation. C'est le même principe qui aboutira 20 ans plus tard à la loi Waldeck-Rousseau autorisant la formation des syndicats. Cette stratégie fut couronnée de succès, puisqu'aucune révolution ouvrière ne se produisit en France après la Commune de Paris.